sera plus comme avant. Tu la fais rire, c'est ton diamant. Pourquoi tu tires ton diamant? Oh mon diamant, tu parles d'elle à tes potes, à tes parents. Tu la fais rire, c'est ton diamant. Pourquoi tu tires ton diamant? Oh mon diamant, tu parles d'elle à tes potes, à tes parents. Elle parle et regarde plus les mecs. Tu la croises dans le bus, direct sur les beaux mètres. Elle te fait mettre le jean pour elle t'oublie le survêt. Des problèmes de jalousie juste après la fête. Elle te rend foufou, elle dit que t'es foufou. Tu vois flou flou, charbonne, tu penses au sous. Relation d'avec la qui la faute t'es foufou. Viens on oublie tout, bisous sur le coucou. Tu la fais rire, c'est ton diamant. De ton bonheur elle est carrément. Ça sera plus comme avant. Ça sera plus comme avant. Tu la fais rire, c'est ton diamant. Pourquoi tu tires c'est ton diamant? Elle te fait rire, tu la trouves belle, tu l'appelles le sang. T'es jaloux, tu veux la protéger. Tu t'évades, t'es malade. Tu lui dis, prends tes sacs, à trois c'est les égalades. Elle t'a vu en chien, elle t'a vu à patte. Tu prends les virages, tu roules comme un malade. Tu fais la coupe, elle te trouve beau. Elle sait qui sont les vrais, elle sait qui sont les poutos. Elle t'a vu rien dans les poches, relais en punto. Dans ton cœur, c'est tout glacé, te mets le couteau. C'est ton ami, ta femme, elle te connaît par cœur. Elle t'a dit, arrête tout ça, dedans y'a pas de cœur. C'est ta vie, mon frère, regarde pas la leur. La prison, y'a pas de fierté, regarde ton bonheur. Tu la fais rire, c'est ton diamant. De ton bonheur, elle est carrément.